Évaluez votre dépendance. Je pense que c'est la roulette. Je pense pas que c'est le poker parce qu'il y a trop de. Je sais qu'on avait parlé de poker quand le World Poker Tour était tendance et tout, et je sais qu'elle était pas très fan. Elle joue pas en ligne, ça c'est sûr, c'est trop sophistiqué pour elle. Donc ouais, non, je pense plus que c'est la roulette. Je pense pas que ce soit les machines à sous. Peut-être le blackjack. Parce que je vois qu'elle manipule des cartes aussi. Mais après, elle a toujours un peu manipulé les cartes, un peu. Même pour le fun, un solitaire, un truc comme ça. J'ai toujours vu, même entre amis, ils se faisaient des soirées poker. Pas poker, mais un jeu asiatique, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire à quoi ça correspond, mais ils se faisaient des longues soirées et tout, mais ça restait gentil et enfantin. On parlait en centimes de francs à l'époque. On parle pas d'une addiction. Là, pour moi, c'était vraiment bon enfant et c'était à l'occasion. Pourquoi pas? Mais c'était pas. Je jouais pas des masses. Êtes-vous préoccupé de manière constante, par des expériences de jeu, passées ou à venir, ou par des moyens d'amasser de l'argent pour jouer? Je sais qu'elle côtoie les casinos, je sais qu'elle le côtoie au point où. Ouais, à l'heure actuelle, elle en est interdite en France. C'est fort quand même. C'est comme si un dealer t'interdisait de. Enfin, non, je veux plus te vendre quelque chose, c'est dingue. Pour te dire l'excès. Je vois. Comme ma mère a toujours été vénale un peu, enfin, toujours aimé l'argent. Du coup, ouais, toutes les façons, tous les moyens pour gagner de l'argent, elle est intéressée par ça. Et quand t'aimes l'argent comme ma mère allait, t'as forcément envie d'exhiber ton oseille. Et c'est clairement ça, je pense que c'est ça. C'est l'argent, ça brille, ça. Elle a vu en ça une façon de gagner d'argent facile, une façon de flamber aussi, il faut dire ce qu'il y a, parce que ce milieu-là, c'est l'endroit où tu peux te permettre de flamber sans avoir réellement de culpabilité, tu vois. Avez-vous menti à votre famille et à vos relations pour dissimuler l'ampleur réelle de vos habitudes de jeu? T'as l'option, elle est dans le déni. Du coup, comme elle est manipulatrice, du coup, elle te fait passer pour la dingue de service. Parce qu'en somme, ce genre de truc, ça se voit pas, y a pas de trace, y a pas de trace physique. Tu bois, tu pues l'alcool, tu bédaves, t'as les yeux rouges, tu sniffes pas, t'as des tocs de sniffer. Mais tu joues. Tu peux faire un check-up comme ça, tu fais voir tes pupilles, fais voir ton... Non, tu peux pas. Elle te dit, ouais, je suis revenue, j'avais un anniversaire. Bah ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé de parler à quelqu'un qui est dans le déni. Tu parles à un mur. Donc t'as la phase déni et t'as la phase où elle est complètement hystérique, où elle t'insulte, où elle, et après bim, elle s'en va. Comme une adolescente, tu vois, t'as vraiment l'impression de parler à une adolescente, c'est toi là qui rencontre ce rôle de mère, toi t'as rien demandé, t'en as pas des gosses justement, parce que tu veux pas. Mais tu l'endosses quand même, t'essayes de la raisonner par A plus B, mais attends, maman il se passe ça, elle t'insulte, elle s'en va. Je l'ai vu faire le mur. Non mais sérieux, faire le mur. Et j'ai rien, je fais, mais tu fais quoi? Elle me regarde, genre, elle se met à sourire, tu vois, genre en mode, ah mince, j'ai été prise la main dans le sac, tiens, tu vois. Elle me dit, ah bah non, je voulais juste te voir. Et après, elle est re-rentrée, et montée dans la chambre. Et puis elle a attendu que je me casse pour se barrer, quoi. Une adolescente. Elle attendait que mon père s'endorme, pour partir en douce. Alors soit elle est intelligente, elle revient avant qu'il se réveille, c'est-à-dire à 1h, soit elle est prise par la folie du jeu, et là, à ce moment-là, elle s'en bat les couilles. Genre, je me fais serrer, c'est pas grave. Il va me prendre la tête. Mais moi, j'aurais fait mon kiff. Après avoir perdu, retournez-vous jouer pour essayer de vous refaire? Recouvrez vos pertes? Ça fait quoi maintenant 5 ans... Ouais, ça fait peut-être 8 ans, un truc comme ça qu'elle joue. On va dire que ça fait peut-être 7 ans et demi que c'est un problème. De toute façon, je suis partie de chez moi à 22. Tu vois, et quand je suis partie, pour te dire, je suis partie de chez moi à 22 et il y avait déjà ces problèmes. Donc justement, je te dis, ouais, ça fait 10 ans là. Ça passe vite. Hein. On s'en rend pas compte après parce que bah, les années, c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est toujours le même, les mêmes galères qu'il y a justement 10 ans. Les mêmes trucs, wow, le RSI n'a pas été payé, ah oh, mon dieu, on est poursuivi, ah oh, saisi. Heureusement, j'ai pas de maison, on peut rien me saisir. Donc ça va, mais... Donc ouais, c'est que c'est la galère, c'est que le jeu, clairement, ouais, nous a mis dedans. Bien. Avez-vous mis en danger, ou perdu, une relation affective importante, un emploi, des possibilités d'études ou de carrière, à cause du jeu? En gros, ils ont tout perdu. Mon père, vu qu'ils ont liquidé la société et tout, ouais, il y a eu une faillite, clairement, et ben, il a interdit de gestion. Et du coup, pour pas qu'ils perdent leur fonds de commerce, ben, du coup, j'ai monté une société. Donc j'étais un prête-nom, parce que c'est pas moi, en somme, qui travaillais. Je n'étais pas salariée, j'étais juste gérante, du coup. Pour que je fasse ça, c'est pas genre, ok, y a pas de souci, j'y vais, non, non. Elle m'a présenté une interdiction de casino. Interdiction volontaire de jeu. Toute personne souhaitant faire l'objet d'une interdiction de jeu doit le faire elle-même auprès du ministère de l'Intérieur. Madame, monsieur, je vous remercie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour me faire interdire de jeu. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signature obligatoire. Cette interdiction est valable dans les casinos, les cercles de jeu et sur les sites de jeu en ligne autorisés en vertu de la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010. Elle est prononcée pour une durée de 3 ans non réductible. Quand ma mère m'a présenté ce papier-là, j'étais plus que fière. Je me suis dit, voilà, elle a arrêté et tout, c'est bon. Avez-vous fait des efforts répétés, mais infructueux, pour contrôler, réduire ou arrêter de jouer? Quand j'ai monté la société, dans les premiers temps, elle était carrée. Pendant, allez, franchement, 6 mois. Limite une année, parce que elle faisait de temps en temps des petites parties entre amis, mais c'était encore occasionnel. Peut-être un week-end sur deux. Puis on était pauvres, donc du coup, il n'y avait rien à jouer. Et puis après, bah, l'année d'après, quand la société elle a commencé à avoir de l'oseille, elle a commencé à nettoyer ses cercles d'amis un peu plus souvent. Enfin, moi, je voyais, parce qu'il y avait des débits de 400 balles en espèces et tout. Mais ça ne mettait pas la société dans la merde. J'en avais parlé à mon père. Est-ce qu'on agit? On aurait pu partir à la guerre et dire « ouais, je veux pas, nanana. » Mais mon père, il avait tellement peur qu'en la laissant pas prendre cet argent-là, elle ferait des crédits à la consommation encore. Parce qu'on est déjà sur Cofidis avec mon père. Enfin, mon père est déjà sur des trucs Cofidis, contractés dans tous les sens. Donc il s'est dit « écoute, je préfère qu'elle tape dedans. Au moins, on peut, entre guillemets, contrôler. » Et voir. On l'a laissé faire. Avez-vous commis des actes illégaux, fraude, falsification, vol, détournement de fonds, pour financer la pratique du jeu? J'étais gérante de cette société, mais j'avais une vie à côté. C'était à la même période où j'étais responsable de magasin. En 39 heures, j'étais crevée. Et pour moi, voilà, je signais les chèques, elle me montrait le montant. Et puis voilà. Et en fait, il s'avère que ces chèques-là, qui devaient être encaissés par l'État, les cotisations trimestrielles, et ben du coup, elle détournait ses chèques, parce que bon, l'ordre, c'est RSI. Donc écoute, tu trouves un nom de famille, tu, franchement, faut dire aussi, les banques, elles sont vachement laxistes à ce niveau-là. J'ai déjà vu des banques encaisser des chèques de mon père à l'époque. Tu vois, il y a un gros coup de Tipex. Vous arrive-t-il de compter sur les autres pour vous sortir de situations désespérées à cause du jeu? Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve avec 37 000 euros de dette parce qu'elle n'a pas payé les cotisations. Elle me maintient morticus que si, mais quand on lui demande des preuves, tu vois, bah, elle n'en a plus. Donc, bah écoute, je sais ce que je veux savoir. C'est ça, c'est le jeu. Elle a détourné les chèques. Maintenant, on est à 37 000 euros de dette pour une société que j'ai liquidée. Et donc voilà, maintenant on sait où on en est. La maison, elle vaut 200 000, elle a été saisie. Et il y a des dettes encore. Donc en gros, je pense que ça tourne à tour de 300. Pour mon père. Sa retraite à saute. On ne pourra jamais rembourser. Et je pense que c'est ça. C'est qu'en France, il y a ce système, il est tellement... je pense qu'elle a très bien compris. Je t'ai dit, ma mère est très intelligente. Je pense qu'elle a compris ce système. Que je peux clairement m'endetter de toutes les façons. Ils viendront pas me chercher dans ma tombe. Il suffit juste de trouver une bonne personne. Mon père, ou moi. Et bim, tu crées des dettes et tu t'en fous. Si vous avez répondu positivement à 3 questions, ou plus, il est possible que votre pratique du jeu soit excessive. Je crois qu'elle m'a troqué contre la roulette. Je crois que je vais lui acheter ça pour Noël. Une roulette. Et quand tu penseras à moi, tu...